sur le flingue. J'crois qu'on m'en fout. Cloué à mon totem, j'transpire sous mes plumes. Quand j'vois le grand sachet. Thank you.